chantent les enfoirés. Ils portent si bien leur nom, ceux-là, et essayent un peu d'entrer. Si t'es pauvre, si t'es laid, dans leur studio climatisé. Dégouline pourtant de bons sentiments, de lumière et de flash. Et pour les pauvres gens, on se compose des mines défaites soudain. Va papa, va, parce que la face en craint. Et si le joli buffet qui les attend nourrirait la moitié du Soudan, ils auront d'être vivant. Alors on va se taper leur reprise indigeste. Les cimagrées du charity business. Charity, charity business. Charity. Jetons et les temps du téléthon voudraient nous donner l'illusion que le bébé si mignon que tiennent fièrement ses parents a été guéri grâce aux dons. Aux dons. Alors qu'il est simplement l'unique survivant parmi ses frères et ses sœurs qui eux étaient malades et pourtant tous ces escrocs pavanes. Tout le monde a sa petite larme. Pa-la-pa-pa-pa. Pour faire péter l'audimat, on sait bien qu'il faut des paillettes et du strass. Que le public veut du sensas. Et l'on ne donne pas s'il n'y a pas de résultat. Alors on va se taper leur propagande infecte. Les immigrés du charity business. Charity, charity business. Charity. Et ne viennent pas crâner à la grand-messe du cœur. Du cœur. Ils s'offrent en nourriture à tous ceux qui ont faim. Ils s'offrent en couverture à tous ceux qui n'ont rien. Et savent que ce qui n'est pas donné est vain. Pa-pa-pa-pa. Et Mister, ne sens-tu pas monter en toi ce bel honneur de se donner sans le souci des heures? Aujourd'hui je vais tâcher